Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Et moi, c'est Christella. Et aujourd'hui, on a une nouvelle leçon avancée. Qui aborde le sujet des OGM. Les organismes génétiquement modifiés. Donc, un thème qui soulève de nombreuses controverses, aussi bien en France que dans beaucoup de pays du monde entier. Puisqu'évidemment, il y a des gens qui sont en faveur de ce projet et d'autres qui prouvent une certaine crainte par rapport à celui-ci. Vraiment un sujet d'actualité. Donc, pour le traiter aujourd'hui, eh bien, nous allons la chance de pouvoir écouter le professeur Martin qui donne une interview à une journaliste. Bonjour à tous, je suis en compagnie de l'éminent scientifique, le professeur Martin, qui va nous entretenir d'un thème qui a fait et fait toujours couler beaucoup d'encre, les OGM. Bonjour. Pour aborder ce sujet, j'aimerais en premier lieu définir la notion d'OGM ou organisme génétiquement modifié. Je vous en prie. On entend par OGM les organismes issus du génie génétique, excluant ceux qui auraient été possibles d'obtenir par croisement entre espèces ou recombinaison génétique naturelle. Je vois, professeur. Il y a donc intervention de l'homme. Oui, intervention qui consiste à ajouter une petite portion d'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre, afin de modifier certaines des caractéristiques de ce dernier. Il s'agit d'un domaine de recherche de pointe dans lequel la frontière technologique est sans cesse repoussée. Cette technique semble ainsi apporter de nouvelles possibilités. En effet, et là est toute la polémique entre les militants en faveur des OGM et leurs détracteurs. Je m'explique. Outre des énormes enjeux économiques qu'ils présentent, les OGM sont perçus par leurs partisans comme une source de progrès capable d'offrir des avancées considérables sur le plan environnemental ou médical et pour lutter contre la sous-nutrition et la famine. Et leurs opposants ? Ils considèrent le problème comme une ingérence de l'homme dans un processus naturel, sans que les conséquences de telles manipulations et les risques encourus ne soient complètement maîtrisés. Et évidemment, ils craignent que l'économie prenne le pas sur le reste, au détriment de la santé et de l'environnement. Et quelle est la situation en France ? Les Français ne se montrent a priori pas très favorables aux OGM, comme le démontrent les nombreuses actions menées par les partisans de la lutte anti-OGM menée par José Bové. Pour conclure, je dirais que les OGM sont source de grandes divergences d'opinion, qui conduisent à des absences de consensus au sein des opinions publiques nationales. Les avantages prouvés ou potentiels apportés par les OGM s'opposent à des risques sanitaires potentiels et à des craintes concernant une éventuelle atteinte à la biodiversité. Merci infiniment pour ces éclaircissements sur la question, professeur. Et nous voici de retour. Avant que Christella et moi parlions un peu plus en profondeur du sujet, nous allons reprendre ici pour vous les mots ou expressions qui nous paraissent un peu plus compliqués ou dignes d'attention. Donc évidemment, on va procéder dans l'ordre du texte. Pour vous aider à mieux comprendre tout ça, et bien on va commencer par la première expression. Ouais, tu vois, il ne faut pas aller loin pour trouver quelque chose d'intéressant ici. On a entendu faire couler beaucoup d'encre. Donc c'est une expression figurée en fait, ça signifie que beaucoup de gens en ont parlé et qu'ils ont écrit à propos des OGM, donc que littéralement, ils ont utilisé beaucoup d'encre en s'exprimant sur le sujet. D'accord, il y a eu beaucoup de travail là-bas. Donc c'est une très bonne expression à utiliser pour dire que... Beaucoup de gens en ont parlé. Et alors, notre deuxième point est quand le professeur va commencer à parler... Et il utilise le mot « aborder » ce sujet. Donc « aborder », ce verbe... n'est pas seulement utilisé pour dire aborder une fille ou aborder une personne. Non, on peut aussi aborder un sujet, c'est-à-dire commencer à en parler, en fait. Donc quand on emploie pour aborder, ça n'est pas seulement à propos de quelqu'un ou une fille, donc pas seulement une personne. Non, Amaury, désolé, tout ne tourne pas autour des filles. Ah. Le mot aborder, ça peut aussi être pour aborder un sujet, c'est-à-dire pour commencer à en parler. Parfait. Et alors, ce qui est bien avec le terme suivant, c'est qu'en fait, c'est même difficile pour tout le monde, à mon avis, pour les Français. Donc, c'est bien d'en parler maintenant, je trouve, ici. Le professeur Martin a utilisé le génie génétique. Je crois qu'il a posé pas mal d'interrogations dans la tête de pas mal de personnes. Je reconnais que même le sens de génie génétique n'était pas très clair pour moi, en fait. Je ne suis pas une grande scientifique. Heureusement, je suis un grand scientifique. Enfin, non, pas vraiment. On m'a aidé, en fait. Donc, c'est pas si compliqué que ça. C'est simplement une discipline scientifique qui consiste à travailler, on va dire, avec les gènes des organismes vivants, à les mélanger pour essayer de les restructurer. Merci, Amaury. Non, ça va, elle était pas compliquée, la définition. Merci. Et donc, on peut dire que c'est une recherche de pointe. Bien, en fait, notre prochaine définition. Donc, l'expression de pointe peut être utilisée avec le mot recherche ou le mot technologie, mais pas dans beaucoup d'autres contextes. On a ces deux cas où c'est utilisé. Pour dire très avancé au niveau technologique. Ouais, c'est bien ça. Et donc, par exemple, on pourrait dire qu'un ordinateur qui vient de sortir utilise une technologie de pointe, c'est-à-dire la dernière technologie du moment. Et FrenchBot est la technologie de pointe pour étudier le français. Parfait. On ne peut pas trouver un meilleur exemple. Alors attention, parce que je suis en grande forme aujourd'hui. Donc, en disant ça, je ne veux pas lancer de polémique, comme la polémique qui concerne les OGM. La polémique, la controverse qui concerne les OGM. Voilà, une espèce de débat où tout le monde aurait des avis contradictoires. J'ai pas envie qu'on entre en conflit ici. Alors, pour créer une polémique, il faut quoi en fait? Il faut des gens qui sont en faveur de quelque chose et des gens qui en sont les détracteurs. Ouais, qui sont leurs opposants en fait. Voilà, qui sont contre. Et donc, comme dans le texte ici, souvent ils n'ont pas le même avis. Alors ici, il y a une polémique, notamment par rapport aux enjeux économiques qui sont assez importants. Et c'est vrai que ces intérêts économiques, ces résultats qui risquent d'être conséquents, énormes, sont source de débat chez pas mal de personnes. Alors un peu plus loin, on a le mot « ingérence ». Une ingérence de qui, en fait, ici? Une ingérence de l'homme dans un processus naturel, une intervention de l'homme. Et c'est ça que les gens ne veulent pas, cette intervention externe qui n'est pas naturelle. Exactement, ils ont peur des risques que ça pourrait engendrer. Alors ce mot engendrer, qu'est-ce que ça pourrait être? En fait, c'est pas difficile, ça veut dire les risques qui pourraient être entraînés par ça, qui pourraient être créés. Donc engendrer, c'est donner naissance, causer. Et alors, chers auditeurs, on avait, malgré qu'on arrive à la fin du texte, on a déjà vu quelques mots, mais on s'est dit qu'il y avait peut-être encore une expression ici qui pourrait être intéressante à comprendre, à saisir. Je vais reprendre ce qu'il dit dans l'interview. Ils craignent que l'économique prenne le pas sur le reste. Prenne le pas, prenne le dessus sur le reste, prenne plus d'importance que le reste. Et alors, on va pas vous laisser tranquille directement, puisqu'on a encore deux petites choses à éclaircir. La première chose, c'est a priori, les Français ne se montrent pas favorables aux OGM. Donc, a priori, à première vue, au premier abord. Ouais, et qui est donc contraire à a posteriori. Après analyse, après réflexion. Voilà, son opposé. Et la dernière chose est dans la phrase finale du journaliste quand il parle d'éclaircissement. Peut-être que vous pourrez le comprendre si je dis merci Christella pour tous ces éclaircissements dans la leçon. Eh bien, de rien, Amaury, j'étais ravie de donner des explications, d'apporter des réponses à tes questions. J'en suis content parce que c'est pas fini. On va d'abord écouter le dialogue et on se retrouve juste ensuite. Bonjour à tous, je suis en compagnie de l'éminent scientifique, le professeur Martin, qui va nous entretenir d'un thème qui a fait et fait toujours couler beaucoup d'encre, les OGM. Bonjour. Pour aborder ce sujet, j'aimerais en premier lieu définir la notion d'OGM, ou organisme génétiquement modifié. Je vous en prie. On entend par OGM les organismes issus du génie génétique, excluant ceux qui auraient été possibles d'obtenir par croisement entre espèces ou recombinaison génétique naturelle. Je vois, professeur. Il y a donc intervention de l'homme. Oui, intervention qui consiste à ajouter une petite portion d'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre, afin de modifier certaines des caractéristiques de ce dernier. Il s'agit d'un domaine de recherche de pointe dans lequel la frontière technologique est sans cesse repoussée. Cette technique semble ainsi apporter de nouvelles possibilités. En effet, et là est toute la polémique entre les militants en faveur des OGM et leurs détracteurs. Je m'explique. Outre des énormes enjeux économiques qu'ils présentent, les OGM sont perçus par leurs partisans comme une source de progrès capable d'offrir des avancées considérables sur le plan environnemental ou médical et pour lutter contre la sous-nutrition et la famine. Et leurs opposants ? Ils considèrent le problème comme une ingérence de l'homme dans un processus naturel, sans que les conséquences de telles manipulations et les risques encourus ne soient complètement maîtrisés. Et évidemment, ils craignent que l'économie prenne le pas sur le reste, au détriment de la santé et de l'environnement. Et quelle est la situation en France ? Les Français ne se montrent a priori pas très favorables aux OGM, comme le démontrent les nombreuses actions menées par les partisans de la lutte anti-OGM menée par José Bové. Pour conclure, je dirais que les OGM sont source de grandes divergences d'opinion, qui conduisent à des absences de consensus au sein des opinions publiques nationales. Les avantages prouvés ou potentiels apportés par les OGM s'opposent à des risques sanitaires potentiels et à des craintes concernant une éventuelle atteinte à la biodiversité. Merci infiniment pour ces éclaircissements sur la question, professeur. Alors nous revoilà, Amaury, et moi je dois reconnaître que j'ai appris vraiment beaucoup de choses avec ce dialogue, et notamment, il dit dans l'interview que les Français ne sont pas très favorables aux OGM. Est-ce que la lutte aux OGM est assez importante en France ou pas ? Oui, quand même. Non, c'est vrai que j'ai pas de chiffres vraiment précis, mais je peux affirmer avec certitude que les Français sont vraiment très réticents pour l'instant à l'idée des OGM, et que dans les sondages qui ont été faits, il y a une majorité de personnes qui sont contre. Après, évidemment, il y a peut-être un problème d'information vis-à-vis du sujet. Je sais pas, est-ce que toi, Christella, tu connais du sujet ? Pas tant de choses que ça, au final. Je sais que les OGM sont des organismes génétiquement modifiés. Je sais qu'ils sont modifiés de manière à rendre les fruits et les légumes plus robustes. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est bien ça. C'est exactement ça. Mais tu as entendu aussi parler qu'en France, il y avait des gens qui allaient dans les champs et qui retiraient les plantations. Évidemment, j'ai entendu parler des mouvements anti-OGM, j'ai entendu parler de José Bové, mais je ne connais pas vraiment leurs arguments. Eh bien, ces personnes sont vraiment la manifestation de la crainte de l'opinion publique vis-à-vis des OGM. En tout cas, c'est qu'on a vraiment des personnes qui nous disent qu'il n'y aura aucun problème, aussi bien au niveau, et même beaucoup de répercussions positives, au niveau médical, comme création de nouveaux médicaments, environnemental, avec, comme tu l'as dit, des semences qui seront plus robustes, avec des fruits qui seront plus forts et qui finalement vont nous rendre plus forts également. J'ai aussi entendu parler d'organismes génétiquement modifiés qui permettraient de lutter contre la faim, ce genre de choses. Il n'y a pas cet argument aussi ? Si, tout à fait, puisqu'on dit qu'en modifiant certains organismes, ils seront plus résistants aux facteurs climatiques. Donc ils vont être résistants à... Peut-être qu'ils auront besoin moins d'eau pour pousser. C'est pas encore fait, hein, ça c'est pas sûr. Mais donc, ça serait une possibilité. Et évidemment, si un jour on arrive à faire pousser du maïs dans le désert, bon, ça va aider les populations présentes. Par contre, si toutes les personnes qui, comme je l'ai dit, ont des craintes, et vraiment croient qu'il y a un problème d'abord d'éthique, parce qu'on a une réelle intervention de l'homme dans un processus naturel, et avec des répercussions qui ne sont pas vraiment encore tout à fait sûres et connues. Et aussi la réelle motivation pour les entreprises qui produisent des OGM, c'est uniquement une motivation financière, en fait. Et que c'est l'argent qui est le moteur de tout ça. Donc, dans cette optique-là, évidemment, on ne se soucie pas trop des conséquences au niveau de l'environnement, notamment ce que ça va donner sur la biodiversité. Un autre fait également est que, comme tu l'as souligné, on pourrait avoir certaines entreprises qui contrôleraient un peu tout et qui auraient instauré une certaine dépendance des agriculteurs envers leurs produits. Et donc, ces agriculteurs n'auraient plus le choix, se retrouveraient coincés. Ce qui n'est pas une bonne logique, en fait. Et donc, finalement, ce qui est un peu le plus reproché, c'est qu'on avance dans l'inconnu et que peut-être l'homme est encore en train de faire une bêtise. Ça, on ne sait pas. On n'a encore aucune réponse vraiment claire là-dessus. Non. Pourtant, il faudra prendre une décision. Donc, on a besoin des avis de tout le monde. Et donc, on vous invite à venir sur le site fredgepod.com et à nous donner votre avis à vous, parce que votre avis nous intéresse. Exactement. On vous invite à commencer une polémique, pourquoi pas, sur le site internet. Et nous, de toute façon, on y sera sur le site. Pas vrai, Christella ? Exactement, Amaury. On sera là sur le site et on vous dit à très bientôt pour la prochaine leçon avancée. À bientôt. Au revoir.